Énergie. Pour cause de coronavirus, vous le savez, les programmes de la première, les programmes de la télévision, les programmes du monde entier se voient bousculés. Il n'y a pas de raison qu'Histoire vivante y échappe. Nous sommes allés donc chercher dans les nombreuses archives d'Histoire vivante pour aller chercher un thème qui nous paraisse à peu près d'actualité. Et cette question des pandémies et des épidémies, nous l'avions traitée il y a de cela de nombreuses années en arrière. Voici donc, en nouvelle diffusion, quelques éléments réalisés à l'époque. Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. Détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer? À vrai dire, on n'en sait rien. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. Cette semaine, pandémie et maladies négligées. Grippe, malaria et paludisme, de Pasteur à Bill Gates. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays dans le monde. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Une histoire des virus passe aussi par les origines, si toutefois il existe un commencement. Axel Kahn, directeur de l'Institut Cochin à Paris. On arrive à dater un peu les différents êtres vivants par des opérations qu'on appelle un peu de paléontologie moléculaire. Eh bien, quand on date les virus, on a l'impression qu'ils sont effectivement presque aussi vieux que la vie. Aujourd'hui, on sait que, sans doute, l'espèce de coévolution, de partenariat étroit entre les cellules et les virus est d'origine. Je veux dire qu'elle a commencé cette collaboration, cette connivence en quelque sorte, dès l'origine de la vie. Certains pensent même que la première cellule a été constituée de la rencontre d'une cellule de type un peu bactérienne avec des virus qui auraient apporté ce qui constitue aujourd'hui la machinerie du noyau. Le mot virus. Les Romains qui emploient ce terme latin renvoient à l'eau trouble et stagnante des marais. La puanteur. Les miasmes. Le virus, autrement dit, le poison. Fin du 19e siècle, du côté de la Crimée, une maladie étrange contamine les plantes. Martinus Beyrinck, chimiste venu de Hollande, étudie cette étrange contagion dont on ne parvient pas à observer l'agent pathogène. Aucun filtre ne fonctionne. On pense à une minuscule bactérie, une toxine. Beyrinck est le seul à employer le mot de virus filtrant. Invisible au microscope, Beyrinck est raillé. Et pourtant, il est le premier à avoir découvert un virus, celui de la mosaïque du tabac. Des années ont passé, on découvre à présent le virus de la fièvre aphteuse, autre virus filtrant qui passe à travers les filtres, au contraire de la bactérie. Le premier virus de l'homme va suivre, celui de la fièvre jaune, et l'on découvre le mode de transmission, le moustique. Pour le moment, on ne connaît encore de ces virus que quelques indications majeures. Ils ne sont pas visibles, pas cultivables, aucun filtre bactériologique ne les arrête. Autant de signes distinctifs, tous négatifs. On définit par ce que ça n'est pas. Ça ne dit pas encore ce que c'est. Mais la toute dernière conquête de la science, méprisant les rayons lumineux, est le microscope électronique, utilisant les rayons cathodiques. Ici, les lentilles sont en métal et dirigent des électrons qui donnent ainsi, sur l'écran fluorescent, des images d'objets microscopiques grossis jusqu'à 100 000 diamètres. Le tout dernier modèle est très maniable. À cette échelle, une tête d'épingle aurait 50 mètres de diamètre. Les limites de l'univers reculent sans cesse dans le sens des deux infinis. C'est extraordinaire parce qu'on commence à voir ce qu'on n'avait jamais vu. Claude Chastel, virologiste. On voit par exemple que le bactériophage qui est un virus de bactéries, a une forme de petit étard avec une queue et que la queue s'applique sur les bactéries avant de les détruire. On voit que le virus de la mosaïque du tabac, c'est un petit bâtonnet creux. On commence à voir le virus de la poliomyélite. On avait l'impression à l'époque d'être des collectionneurs de papillons. On avait des jolis virus comme ça dans des cases. Mais ça servait à rien. On ne pouvait pas vacciner contre. On pouvait pas, y a pas de traitement contre. C'était extrêmement déprimant. C'est à partir des années 50 seulement que la virologie va devenir une science un petit peu autonome. En fait, dans les ouvrages, par exemple, de bactériologie, la virologie apparaît sous forme d'une dizaine de pages à la fin des ouvrages. Vous voyez un peu, alors que vous avez des bouquins gros comme ça, vous avez une dizaine de pages consacrées aux virus. Bon, les virus, on ne sait pas trop ce que c'est. Je me rappelle très bien d'un professeur de biochimie, une dame dont malheureusement j'ai oublié le nom, à Lyon, qui nous avait dit que les virus, c'était très proche des gènes par la structure. Effectivement, c'était des acides nucléiques. Et cette idée m'est quand même restée, ça a frappé l'étudiant que j'étais à l'époque, car en fait, c'est ça. Les virus sont des gènes capables de se mobiliser d'une cellule à l'autre. Ce sont des gènes baladeurs. Le microscope électronique a permis de faire des avancées. Désormais, on se met à parler ouvertement des virus. Entre autres, aux téléspectateurs. André Lovov de l'Institut Pasteur. Un virus est essentiellement un matériel génétique infectieux et les virus se reproduisent à partir de leur seul matériel génétique, alors qu'une bactérie se reproduit naturellement à partir du matériel génétique, mais à partir de tout ce qui est autour, à partir de sa membrane, de toutes ses structures protoplasmiques. Les grandes maladies à virus, c'est la variole, c'est la fièvre jaune, et puis il y a des petites maladies, la poliomyélite, et puis il y a la rougeole, la rubéole et beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce que dans le public ça fait peur, les maladies à virus ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait surprenant, parce que vous savez, les épidémies de variole autrefois tuaient 30% de la population, n'est-ce pas ? La fièvre jaune, c'est très important, la poliomyélite laisse des séquelles très sérieuses, vous avez des gens paralysés pour toute leur vie, n'est-ce pas ? Il n'est pas surprenant que les gens soient un petit peu effrayés par les maladies virus et qu'ils aient été effrayés, puisqu'actuellement, il n'y a plus de problèmes très, très sérieux. Les années 70 marquent un saut. Pierre Sonigo, virologiste. Le premier choc, ça a été les travaux de Barbara McClintock sur les gènes sauteurs chez les végétaux. Mais aujourd'hui, on réalise que il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur du génome, et notamment, une des choses qui bouge beaucoup à l'intérieur du génome, c'est les virus. David Baltimore et Howard Thiemine obtiennent en 75 le prix Nobel de médecine et de physiologie. En étudiant un virus développant un cancer chez la souris, ils découvrent une famille de virus qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les rétrovirus. David Baltimore. Les rétrovirus sont des virus dont le matériel génétique est composé d'ARN. Lorsque ces virus pénètrent dans une cellule, ils copient cette information sous forme d'ADN. L'ADN qui est bien sûr le dépositaire universel de l'information à l'intérieur des cellules. Autrement dit, les virus s'arrangent pour que ce petit bout d'ADN puisse s'intégrer dans le grand ADN des chromosomes. Et les rétrovirus en font de même pour s'intégrer dans les chromosomes. Autre étape fondamentale, octobre 1990. Une équipe internationale de scientifiques lance officiellement le projet du génome humain. Sa mission, cartographier et séquencer l'ensemble du génome humain en vue de découvrir les endroits où les gènes sont en relation les uns avec les autres le long du chromosome et procéder au séquençage de l'ADN humain dans son entier. Le vaste texte du génome humain est prêt à être déchiffré. Le 26 juin 2000, la première carte préliminaire du génome humain est achevée. Axel Kahn. Je crois que l'on peut continuer à faire cette analogie entre un texte et le génome. De la même manière que dans un texte, la plus petite combinaison des lettres du texte, qui est une signification individuelle, ça s'appelle un mot. Au niveau du langage génétique, la plus petite combinaison de ces lettres génétiques, il y a 4 lettres, qui ont une signification individuelle, ça s'appelle un gène, et de la même manière que l'on peut trouver la définition du mot dans un dictionnaire, on est en train d'établir des dictionnaires dans lesquels on va trouver la définition de ces gènes. Nous avons maintenant terminé à peu près à 99,9% d'établir la séquence de ces lettres de 4 types qui forment le génome humain. Tout d'abord, une notion de quantité. Nous avons hérité de notre père et la même quantité de notre mère, environ 3 milliards de ces lettres. Sur ces 2 fois 3 milliards de ces lettres, on s'est dit, on va avoir avec beaucoup de simplicité la succession de ces mots gènes, des différents gènes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela et nous avons eu beaucoup de surprises. Nous, on considère, je ne sais pas si le crapaud considère la même chose, mais nous, on considère qu'on est supérieur au crapaud. Donc, on s'attendait que notre supériorité serait en quelque sorte sous-tendue par une plus grande richesse génétique. Il n'en est rien. Nous n'avons que 25 000 gènes et en réalité moins que le crapaud. Un autre élément qui est important, c'est que le génome a acquis du monde viral et le monde viral a acquis du génome. Une partie des gènes du monde viral qui nous entoure ont été en quelque sorte volés, c'est un rapt à main armée, un vol à main armée, dans les génomes des animaux en général, des levures, etc., etc. Et à l'inverse, beaucoup des propriétés des gènes que l'on connaît sont expliquées par le fait que dans l'évolution, un virus de l'extérieur, des fois amenant un bout du génome d'un autre être ou avec une autre séquence, s'est inséré à côté de ce gène et a modifié la chronologie d'activité de ce gène et également les endroits du corps au cours du développement où ce gène était exprimé. Moins de gènes que prévu. C'est la première surprise. Deuxième surprise, la moitié de notre patrimoine génétique est constituée de séquences d'origine virale. Plus étonnant encore, près de 10% du génome est constitué de rétrovirus ayant infecté l'humain il y a plusieurs millions d'années. Des rétrovirus endogènes qui se sont adaptés à nous, intégrés à nous, au point de nous accompagner de génération en génération. Des compagnons de route, en quelque sorte. Axel Kahn. Imaginons comme ça que les singes l'ont connu avant nous, qu'on ne trouve pas de médicaments efficaces contre le sida, et que le sida se répande, etc. L'évolution fait naturellement que des souches humaines, ça a commencé, émergeront qui résisteront au sida. Et dans 100 000 ans, on trouvera le virus du sida dans le génome de ces souches, qui sera un rétrovirus endogène totalement inoffensif, par le processus de la sélection naturelle. Simplement, c'est ce qui est arrivé aux singes. Il y a les ancêtres du sida qui sont dans différentes espèces de singes, et c'est parce que ces virus inoffensifs chez le singe sont arrivés chez l'homme auquel il n'était pas accoutumé et qu'il n'avait pas encore eu le temps de sélectionner, qu'ils ont été pathogènes. On ne peut pas bien comprendre le phénomène des modifications du développement au cours de l'évolution, en laissant de côté un partenaire essentiel, les virus. Olivier Danos, virologiste. Bon, je pense qu'on a vu pendant tout un temps les virus comme simplement des éléments qui détruisent les cellules. Hein. Comme si on mettait, un produit toxique, ça détruit, un point c'est tout, quoi. Or, on s'est rendu compte que les virus pouvaient jouer le rôle de passagers, hein, clandestins plus ou moins de la cellule, qui pouvaient changer leurs caractéristiques, justement en exprimant un programme. Et à partir de tout ça, il y a quelques personnes qui ont émis des idées qui semblaient un peu farfelues au milieu des années 60, qui disaient, voilà, les virus font quelque chose aux cellules, si on pouvait manipuler les virus et puis nous mettre un message à l'intérieur du virus, on pourrait exprimer ce message dans la cellule. Certaines maladies sont causées au départ par un trou dans l'information de la cellule. Il manque quelque chose. Il y a simplement un morceau du code qui manque. Et l'ensemble du programme n'est pas effectué harmonieusement. Il y a une maladie. D'accord ? Si on arrive à identifier cette partie manquante, on peut, à l'aide d'un virus éventuellement, réintroduire cette information manquante dans la cellule. Et ça, c'est donc le schéma simple de la thérapie génique pour des maladies génétiques. Les virologistes ont fait un catalogue relativement complet du monde viral. On ne comprend pas vraiment tout, enfin on comprend beaucoup de choses. Et on a donc une palette très large de possibilités d'intervention sur une cellule en utilisant, en empruntant au virus leur mode d'entrée, qui sont extrêmement variés. Et on n'est pas encore au bout des surprises, car bientôt le virus offre un nouveau visage. Il soigne. Jean Rommeler, virologiste. Il existe un certain nombre de virus qui, de manière directe ou indirecte, participent à l'induction du cancer. Ce sont des virus dits oncogènes, générateurs d'oncos, générateurs de tumeurs. Mais il existe également des virus qui ont l'effet opposé, qui sont, quand il y a une action antagoniste, qui peuvent détruire de manière directe ou parfois également indirecte les tumeurs. Paradoxalement, les virus sur lesquels nous travaillons, par exemple, et qui ont effectivement cette action anticancéreuse, ont initialement été isolés à partir de tumeurs humaines qui étaient transplantées chez des animaux de laboratoire, et initialement, ils étaient des candidats virus inducteurs de cancer. On les a trouvés dans les tumeurs, et la première interprétation était qu'il s'agissait de virus responsables de l'apparition de ces tumeurs. Alors on les a isolés, on les a caractérisés au laboratoire, et on s'est aperçu que lorsqu'on les injectait à des animaux porteurs de tumeurs, ces tumeurs régressaient. Lorsqu'on les injectait à des animaux sains, il n'y avait pas induction de tumeurs. Donc ce fut pour les chercheurs également une surprise. Au départ, ces virus étaient des candidats virus oncogènes, et il s'est avéré que ces virus étaient des virus oncolytiques. Lytiques, ils provoquent la lyse, la destruction de certaines cellules cancéreuses. Histoire vivante. Cette semaine, pandémie et maladie négligée. Aujourd'hui, numéro 11. À la fin de l'année 2008, se tient à Genève le colloque Wright, sujet des interventions en forme d'interrogation, grandes épidémies, le retour. Concernant la grippe, la conférence est intitulée « Pandémie de grippe, émergence et contrôle », une conférence donnée par Robert Webster du service de recherche de l'hôpital des enfants St. Jude à Memphis. En voici un extrait. Voici la situation concernant le H5N1. Il a fait son apparition en 1996 dans le sud de la Chine et depuis lors, il s'est répandu à plus de 60 pays d'Eurasie. Il continue d'ailleurs à se répandre. Plus de 500 millions de poulets et de canards ont été détruits pour que l'on essaye de maîtriser la propagation de ce virus. Plus de 60% des personnes contaminées sont décédées. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes extrêmement inquiets. Regardez ce qui s'est passé en 1918. 2,5% de la population du monde est décédée. Ici, nous avons un risque de 60% de décès. Il faut vraiment s'inquiéter face à cette situation. Heureusement, le virus n'a pas acquis la capacité de passer d'un être humain à l'autre. Mais nous ne lui faisons pas totalement confiance. Je vais maintenant passer en revue le travail que nous avons effectué à Hong Kong et la manière dont nous avons procédé. En mai 1997, un enfant est décédé à Hong Kong et le virus a été repéré aux Pays-Bas. On a pensé que c'était une aberration, que l'enfant avait peut-être fait l'objet d'une immunosuppression. Nous ne savions pas exactement ce qu'il en était. Le virus a rapidement été caractérisé. Mais en novembre, d'autres cas se sont manifestés à Hong Kong. Et sur 18 personnes, 6 sont décédées. C'est alors que nous avons pris les choses très, très au sérieux. D'où venait ce virus? Eh bien, des marchés de volailles où la volaille était vendue vivante. Ces marchés de volailles sont véritablement un cul-de-sac pour les volailles en question, mais pas pour le virus. Le virus en réchappe et il continue à se répandre et à se propager. L'évolution de ce virus, nous avons réussi à la maîtriser. Nous avons éliminé la première flambée de ce virus à Hong Kong. Mais le virus est revenu à partir des oiseaux aquatiques et notamment des oies en sud de la Chine. Nous avons donc éliminé le virus en 1987, mais il est réapparu, il est revenu par le sud de la Chine. Il s'est répandu aux premiers êtres humains en février 2003. Puis il est passé au Japon, en Corée du Sud, en Indochine, et par le biais des oies à tête barrée, il a fini par arriver en Europe. En Suisse, deux épisodes majeurs ont été enregistrés en 2006, avec 33 cas de grèbe ou de canard et de colvert contaminés. Un dans le port de Genève, et lorsque je me suis promené ce matin pour voir les canards, les cygnes que l'on y rencontre, je me suis rendu compte que c'était des animaux très fragiles. Mais en Suisse, la réaction a été immédiate. Comme pour le H7N7 aux Pays-Bas, le virus a été éradiqué chaque fois qu'il apparaissait. Mais on constate que le virus ne cesse de réapparaître. Chaque hiver, le virus réapparaît dans le monde. On peut donc s'attendre à ce qu'il réapparaisse en Europe en hiver. Quel est l'effet de ce virus sur les êtres humains ? Dysfonctionnement de plusieurs organes, reproduction du virus dans les voies respiratoires inférieures, diarrhée, d'une forme différente de celle de la plupart des virus de la grippe, et le virus reste détectable chez l'être humain pendant des périodes prolongées. Si ce virus est inoculé à des poulets, la majorité des poulets meurent dans la nuit. C'est un virus véritablement létal et mortel. Il tue la majorité des canards en un ou deux jours, mais pas tous. Et c'est ça un des problèmes. J'ai donc déjà montré que c'était un virus qui présentait un risque létal très élevé chez les êtres humains à cause de la diarrhée et des symptômes respiratoires. Si on inocule le virus chez les furets, qui sont souvent utilisés parce qu'ils ont un comportement viral similaire à celui des êtres humains, le risque de décès est très élevé. Il s'agit en d'autres termes du virus de la grippe le plus terrifiant que j'ai jamais rencontré. Les gens commencent à se dire « Oh, ce virus existe depuis 10 ans déjà, il ne représente donc plus un véritable problème, c'est comme le VIH, ça finira par disparaître ». Eh bien, c'est faux. C'est un problème extrêmement important. Qui sont les auteurs de la transmission de ce virus? Essentiellement les êtres humains. Je vais vous montrer comment cela se passe à l'exemple de la Thaïlande. Les Thaïs font pousser 3 récoltes de riz par an. C'est un des grands pays producteurs de riz du monde. Une fois que le riz a poussé et a été récolté, on fait venir des canards qui se nourrissent sur les restes de riz qui restent dans les champs. Les canards laissent leurs excréments qui permettent au riz de repousser. Et lorsque ce processus est achevé, les êtres humains ramassent les canards, les amènent 150 km plus haut et le cycle se répète. C'est exactement à ce rythme-là que l'on a vu la propagation du virus. En d'autres termes, on a eu la preuve que c'est bien l'être humain qui y contribue. Demain, retour sur un épisode ancien d'Histoire vivante, ayant pour thème central le domaine de la santé mondiale. Cette semaine est réalisée par Isabelle Barthes. En complément d'épisode, nous allons donc revenir sur le documentaire diffusé à l'époque par Histoire vivante, documentaire réalisé par Christophe Weber, intitulé « La grande tueuse » et portant sur la grippe espagnole. Tout de suite, de nouveaux extraits. Au chapitre des contes sordides, le règlement tourne toujours à l'avantage de la Derdéder. Elle fabrique l'assassinat de masse. Elle oblige également la science médicale à une marche forcée, elle qui, depuis des décennies, la maladie, les maladies. Ces maladies qui, pour la première fois dans l'histoire des guerres, tuent moins que les combats. La médecine moderne venait à peine d'obtenir de grands succès. On savait comment fabriquer des vaccins contre les maladies infectieuses, et on était plutôt bon dans ce domaine. On savait aussi fabriquer des sérums pour soigner ces maladies, avec des résultats plus mitigés, même s'ils avaient certains effets. Sans aucun doute, nous étions alors arrogants et sûrs de nos aptitudes à identifier les maladies et à les traiter. Ce triomphalisme médical, alors il est absolument présent et même écrasant pendant la guerre, c'est-à-dire que nous avons réussi à maîtriser le phénomène pathologique, il n'y a quasiment plus de malades. C'est vrai sur le front occidental, la typhoïde est maîtrisée par le vaccin, il n'y a aucun ou quasiment pas de cas de typhus ni de choléra, donc c'est un grand triomphe. Et en 1918, avant la fin de la guerre et avant la grippe, les services de santé, qui quand même commencent à entrevoir la fin des opérations, disent que ça sera véritablement grâce à notre concours, si ce n'est d'abord grâce à nous, que la guerre sera terminée et victorieuse dans notre camp. Dans la période du 1er au 10 août, le nombre d'hospitalisations pour maladies contagieuses a été un peu plus élevé que pendant la précédente décade. A signalé le grand nombre de grippes thoraciques compliquées, 46. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. C'est comme lorsqu'on jette une pierre dans un étang. Elle provoque une vaguelette, puis une autre, et ainsi de suite. C'est comme ça que se propage la grippe. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.